sorti l'ortie. Au cas Raphaël, la section camouflage en l'or. Connect. Yo. J'ai ce qu'il faut pour foutre de beaux sons, de flow, de vrais sons, de clics, de champions, de bonnes connexions, de plomb, de quoi faire fier tout d'approuver sur les plans, de panas du sang chaud, de guerrier et de grand. Je passe devant tout le sang, j'ai le calibre qu'il faut, je présente dans tous les cas. Je sais reconnaître les vrais gars et les faux gars, les gars qui battent tranquille, ceux qui restent jusqu'au bout avec toi. C'est comme ça, y'a plein de faux culés, ça dans tous les coups. Ça fout la merde de tout, c'était des masques et tout, t'as beaucoup. Le démasqué vite avant que le jour j'y vienne à tomber. Avant de me trahir, je préfère tirer le premier. C'est le jugement dernier, l'heure de vérité a sonné. Le filet s'est refermé, les Judas paniquent, la rue va frapper. Prépare tes arrières, appelle tes frères. Mais j'ai les barrières, la sentence approche comme un présage. Trop tard pour faire des prières. Chialer ou regretter, y'a pas d'excuse ni de pardon. C'est l'exécution pour aux trahisons. Pour les bouffons, pour mes coudrons. Où est passé le sens de l'honneur, l'esprit de famille, la force de vaincre, la rage combattue par la force des liens. Je forge les Donnie Brasco, les traites parmi mes pincos, les infidèles, les complots. Ciao, aïe, pas le carajo. Si le hip-hop est un bâton, je fais une mutinerie. Prends tous les traits du haut d'un map, une noire, les WAC MC. Yeah, yeah, yeah, si le hip-hop est un bâton, je fais une mutinerie. Prends tous les traits du haut d'un map, une noire, les WAC MC. Yeah, yeah, yeah, L'odeur, l'humiliation diffère, souvent le goût, la saveur. À toi de faire en sorte ta tour de bascule glisse en ta faveur. Savoir ce qui se révère, s'avère favorable. Tes affaires, t'es dans le rouge vert. Tu donnes mes refs, tu veux des affaires. Je trouve ça fort, pas de portable et plus jeune à caisser faire. Pour qu'afficher, je suis désolé, gamin, graille pas de ce pas là. Du genre, j'en suis pas là à faire le balard devant la police. Je reste poli, mais je compte bien punir pour rire, polir ta police. Dans mon quartier, la caille, les types comme toi, les salauds salés. S'incite à l'illicite, faut pas que t'insistes, crains pour ton salut. Si mon nom s'allie, scellé pour toi la note, seulement salé. Plus besoin de parler, ton gars déjà trop dit. Serré par les schmitts, qui va défaire les batachés, souiller ton bois sol carrelé. Famille, j'en une idée, ici c'est le principe maison. Bien que malfaisant et loin de la charité, toutes ces leçons. Tu sais le son, tu connais la zik, musique à trahison. Mauviette à Isson, car la vraie gars, bonhomme rarisson. Comme le bon son rarissime, tu trouves ça risible. Ou t'iras terrer, l'air atterré, j'irai tirer, tuerai. Car dans mon crew, y'a pas de place pour les traîtres. Si le hip hop est un bâton, je fais une mutinerie. Prends tous les traits du haut d'un map, pinois, les WAC MC. Yeah, yeah, yeah, pas de place pour les traîtres. Yeah, yeah, dans mon yeah, crew, y'a yeah, pas de yeah, place pour les traîtres. Si le hip-hop est un bâton, je fais une mutinerie. Prends tous les traits du haut d'un map, une noire, les WAC MC. Yeah, yeah, yeah, yeah. Pas de place pour les traîtres. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Y'a trop de faux, trop de gars qui s'assument pas, qui partent derrière moi, mais devant baisse la tête, écoute ça. Trop d'arrivistes ont tenté de saboter mon taf un peu partout. Là d'où je viens, l'authenticité passe avant tout. Moi, t'es gagne mon crew. Pure attitude naturelle réelle, détestant les bluffs, les mentalités artificielles. Trop de batteries se cachent, je suis une fausse identité, quoi. Si c'est ça le hip-hop, yo, j'emmerde ça. Certains n'ont plus de dignité ni de fierté. Sont là à s'afficher, croyant être bien camouflé parce que bien zappé. Croyant être camouflé parce que bien accompagné, tu sais. La route est longue, garçon, et ceux les vrais resteront. J'ai des principes, un sens de l'honneur, une parole comme personne. Des amis de confiance, les coups fourrés sont des pénitences. Pour savoir ce qu'il faut, du vrai détergent, faut l'admettre. Dans mon crew, y'a pas de place pour les traîtres. Si le hip-hop est un bâton, je fais une mutinerie. Prends tous les traits du haut d'un map, une noire, les WAC MC. Si le hip-hop est un bâton, je fais une mutinerie. Prends tous les traits du haut d'un map, une noire, les WAC MC. Si le hip-hop est un bâton, je fais une mutinerie. Prends tous les traits du haut d'un map, une noire, les WAC MC. Si le hip-hop est un bâton, je fais une mutinerie. Prends tous les traits du haut d'un map, une noire, les WAC MC. Yeah, yeah, yeah, yeah. Pas de place pour les traits. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Dans mon crew, y'a pas de place pour les traits.